Chapitre 3e. 8 jours s'étaient écoulés depuis cette soirée que nous avions employée, comme on fait, dans le loisir de l'étranger, en longue promenade à travers les paysages de l'île. Dirigé par l'anglais de Plutarque, comme j'aimais à surnommer M. Zaffoni, ces promenades m'ont laissé une empreinte bien différente de tant d'autres vagabondages analogues dans ces contrées parcourues ainsi en passant. Pourquoi ai-je cédé en commençant ce récit au vulgaire préjugé qui réduit toute la poésie de la vie aux choses de l'amour et regretté de ne pouvoir associer aux radieux et intimes horizons de Corfou que ces images d'un admirable vieillard à la veille de mourir inconnu, d'une fille de 35 ans, victime de la plus mensongère des idolâtries, et d'un forban qui se jouait de l'optimisme magnanime de l'un comme de la foi profonde de l'autre. À mesure que les épisodes s'évoquent dans ma mémoire, je comprends que la secrète antithèse entre ces pacifiques paysages levantins et le petit drame psychologique joué devant moi aura donné à mes impressions de nature une acuité et comme un pittoresque de plus. Parmi ces épisodes, 2 se précisent à cette minute jusqu'à l'hallucination. Une visite d'abord à la silencieuse et verdoyante baie d'Ipso, par-delà le fleuve, le Fiumare plutôt, où la légende prétend reconnaître la rivière décrite dans l'Odyssée, au bord de laquelle Nausicaa lavait son linge. Nous nous étions arrêtés près de la mer, sous des oliviers séculaires, et à la porte d'un cani, d'où sortit tout d'un coup, tenant par la crivière un petit cheval noir, un paysan qui nous dit s'appeler Nicolas. Il était un peu ivre, d'une ivresse douce et familière. Il nous souriait d'un sourire ami dans une grosse figure fine. « Mon père !» répéta-t-il en s'approchant de M. Zaffoni, et lui tendait une main aux ongles noirs de terre, mais d'une forme dessinée. Avec ses longues braies bouffantes et taillées dans une souple étoffe bleuâtre, ses gros bas blancs noués de cordes et ses sandales au bout relevé, il semblait si heureux de vivre, si rempli de cette allégresse païenne, légère, innocente et qui va chanter. Il finit par s'élancer sur sa bête, de côté à la manière d'une amazone, et nous le vîmes qui s'en allait au pas le long du rivage, échangeant des lazzis comme un pâtre de Théocrite avec une fille de 17 ans, du nom d'Antiquité, qui se tenait debout, ses pieds nus posés sur le sable, et comme elle hanchait un peu, la souplesse de sa grossière chemise de toile devinée entre ses grosses jupes et son corsage trop chargé, révélait cette grâce divine de la ceinture tant célébrée par les anciens. J'entends encore Malglaive dire à M. Zaffoni, en lui montrant le cavalier, « Et vous vous plaignez de la vie politique de votre pays. Vous avez là pourtant le type du parfait électeur. »« Hélas, » répondit le vieillard, « vous ne savez pas combien votre ironie tombe juste. »« Mais ce n'est pas de l'ironie, » répondit gaiement Malglaive. « L'homme du peuple ne vaut jamais mieux qu'alors qu'il est entre deux vins comme celui-ci. C'est un enfant, et la bouteille est encore son plus inoffensif joujou. »« On voit bien, » reprit M. Zaffoni, que vous avez affaire avec l'ouvrier parisien, le plus subtil, le plus vif des hommes, et qui trouve moyen d'avoir de l'esprit même quand il est hors de son bon sens. Mais nous, avec ces natures si brutes, si primitives, l'ivresse est un abrutissement de plus, et il n'est pas rare. Nous n'avons pas assez de force pour en gaspiller même un atome, sachez-le. Bois, fit Malglaive, heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire. Ne dites jamais cela, interrompit le vieillard avec une vivacité singulière. C'est le plus criminel des proverbes. Malheureux, insista-t-il, les peuples qui n'ont pas d'histoire, car c'est le signe qu'ils ne sont pas capables d'idéal et de dévouement. Plus malheureux, ceux qui n'ont plus d'histoire. Ne croyez pas, Clément, me disait quelques minutes plus tard Mademoiselle Malglaive, quand il parle du peuple comme il en a parlé. Personne plus que lui n'aime les humbles. Mais on a été si injuste pour lui, même dans sa circonscription. Cela l'aigrit. Elle avait reconnu l'aveugle femme, à entendre notre vieil ami, l'accent de la foi profonde. Et quoique ce fût une bien légère déchéance de son idole, elle avait senti que le pauvre avocat Corfiotte était d'une race supérieure à celle du brillant député parisien. Et aussitôt l'Antigone s'était réveillée. Quelle gloire plus brillante que celle d'avoir honoré mon frère! Ce cri de la sœur de Polynice, elle aurait pu le jeter, elle aussi, à chaque moment, et je me disais, une dévotion comme celle-là, c'est justement vers des hommes tels que Zaffoni déshérité de gloire et plein de génie, qu'elle devrait aller, et c'est un malglaive, un saltimbanque de tribune, que cette chance est donnée. Et j'accusais l'ironie du destin. Je l'accusais encore, je m'en souviens, quand nous visitâmes tous les quatre l'Aquiléion, le colossal palais que l'impératrice d'Autriche a élevé sur les hauteurs de Gastouri, avec son portique orné de colonnades aux chapiteaux sculptés, avec ses plafonds stuqués, ses mosaïques, ses peintures de style pompéien, et dans le vestibule, un gigantesque Achille de marbre essaie d'arracher la flèche qui transperce son talon, symbole germanique de ce qu'il y a d'inguérissable, d'inarrachable, dans la pointe fixe de certaines douleurs. Au bas du perron, le jardin s'allonge vers la mer, parmi les fleurs. De larges anémones rouges et violettes y alternaient avec des iris blancs et lilas. Et des parterres de roses multicolores descendaient jusqu'à une autre statue, celle de Henry Heine, frissonnant et maigre sous son châle et dans son fauteuil de malade, tandis que les vagues ioniennes élèvent vers lui, qui les aurait tant aimées, un concert de joie qu'il n'entendra jamais. Nous étions venus jusqu'à ce monument d'une touchante piété intellectuelle, et retournés vers le palais, nous en regardions les fenêtres closes, l'aspect inhabité, sans parler, en songeant tous, j'eusse imaginé, à l'obsession que la mystérieuse impératrice avait rêvé jadis de fuir ici, quand Malglaive interrompit ce silence pour s'écrier « Quelle magnificence est perdue ! Savez-vous, monsieur Zaffoni, que l'on ferait la fortune de l'île, si l'on achetait cette bâtisse et ce jardin à sa majesté qui en est déjà fatiguée, pour établir là tout simplement une maison de jeu, un autre Monte-Carlo ?»« Ne dites pas cela tout haut, » répondit vivement le vieillard en posant sa main sur le bras du jeune homme. « Soyez persuadé qu'ils y ont pensé. »« Hélas, » continua-t-il, « l'endroit est déjà tellement gâté. Ce palais, pour moi qui ai connu la petite maison qu'il remplace, mais c'est une barbarie. » Et la pire de toutes, une barbarie névropathique, la petite maison. Un riche vénitien du dernier siècle l'avait construite pour y passer les mois trop chauds. Ce n'était pas grand-chose, une espèce de patio avec une citerne au centre, quelques chambres ouvrant sur un promenoir en forme de cloître et une terrasse avec des citronniers. Mais des plantes grimpantes couvraient les murs d'une palpitation de fleurs, et quand je venais ici, à 25 ans, voir un de mes amis qui s'y retirait l'été, nous passions des après-midi de délices à rêver tout haut. Et quel rêve! L'étranger chassé de toute la Grèce, notre patrie libre et régénérée. Je vous l'affirme, si je savais qu'une maison de jeu est installée à cette place, et que les gens d'Athènes y ont consenti, il répéta, les gens d'Athènes, je mourrais de honte. Quel enthousiasme encore dans ce cœur de 80 ans, me disait Mademoiselle Malglaive en me reparlant de cette scène, 2 jours plus tard. J'étais venu lui rendre visite, et j'avais appris qu'elle et son frère partaient définitivement pour l'Italie par le bateau du lendemain. Je l'avais trouvée seule, et je m'en étais réjoui, dans l'espérance que je lirais un peu plus avant dans cette âme tout sacrifice. Et par instant, j'en avais l'impression, elle pressentait l'inanité de ce sacrifice, et que son idole ne méritait pas cette ferveur constante. À coup sûr, elle avait de nouveau été froissée, par le contraste entre la vulgarité gouailleuse de son frère et l'ardeur convaincue du vieux patriote grec, si fidèle à sa foi première dans le désabusement. Qui sait, ne prévoyait-elle pas qu'elle serait un jour comme lui? Et elle continuait. Personne ne rend plus de justice à M. Zaffoni que Clément. Il s'amuse, comme l'autre jour, à soutenir des paradoxes devant lui pour le voir s'exalter. Il me le répétait en revenant de cette promenade au palais de l'impératrice. Quel dommage que cet admirable outil n'ait pas été employé. Elle se tut pendant une minute. Je vis qu'une idée venait de traverser sa tête, ses paupières battirent plus nerveusement, et avec une espèce de solennité que son offre allait m'expliquer plus tard, elle reprit. Pouvez-vous me promettre que vous me garderez un secret? Et sur ma réponse affirmative, mon frère ne vous a point parlé d'un travail qu'il a fait ici, et qui va paraître, en 2 parties, le 1er et le 15 du mois prochain, dans une grande revue de Paris. « Non, » répondis-je. « C'est qu'il tient à ce que ce soit une surprise pour votre ami. C'est un tableau de l'histoire politique des îles Ioniennes entre 1814 et 1864. Vous verrez comme il y parle de M. Zaffoni. Vous verrez aussi comme il sait s'assimiler à un sujet. Il n'y a pas plus de 5 semaines que nous sommes à Corfou, quelques séances aux archives de la ville, quelques notes fournies par M. Zaffoni lui-même, et il a rédigé ce beau travail. Ah, ce sera une fière rentrée, et qui prouvera bien à ses envieux qu'on n'en a pas fini avec lui. Ce sont les idées surtout qui en sont fortes. Il y a là une analyse du régime parlementaire, tel qu'il fut pratiqué chez les diverses nations d'Europe après les grandes guerres napoléoniennes. C'est admirable. Je voudrais... Et toute hésitante, elle rougissait jusqu'à la racine de ses cheveux, blonds comme ceux de son frère, mais déjà vaguement argentés par place. Oui, je voudrais que vous en lussiez les épreuves. Vous me les remettrez demain matin sous enveloppe, mais que ce soit bien un secret. Insista-t-elle avec un joli sourire de complicité. Vous savez, je serai grondée. Clément a horreur d'avoir l'air de quêter les éloges. Que de fois je lui reprochais de ne pas se montrer tout à fait tel qu'il est. Il se calomnierait presque lui-même, tant il répugne à se vanter. C'est bien le moins que ceux qu'il aime le fassent connaître dans ses vraies supériorités, dans son vrai lui. Quoiqu'avec vous, il n'en soit pas besoin. Oh, la délicate, la noble créature, et qui tremblait, comme d'une faute, de l'action qu'elle allait commettre à l'insu de son frère, pour ce frère. Ces derniers mots, ce « quoiqu'avec vous, il n'en soit pas besoin », elle les avait prononcés avec une espèce de grâce implorante qui me le prouvait trop. Elle craignait, bien au contraire, que je ne jugeasse Malglaive sévèrement sur des paroles comme celles que j'ai rapportées et qui décelaient de brutales façons de sentir, incompatibles, avec une suprême fleur de délicatesse. Quand elle me remit le paquet d'épreuves d'imprimerie, sa main que j'effleurais était glacée par le reflux de son sang à son tendre cœur. J'éprouvais, en la voyant si émue, un véritable remords de n'avoir pas caché plus complètement encore la mauvaise impression que j'avais pu subir devant certaines phrases du politicien équivoque. J'y avais pourtant bien tâché, et je croyais tant y avoir réussi. Mais trompera-t-on jamais une femme sur les sentiments que l'on porte à celui qu'elle chérit, d'une certaine façon douloureuse et passionnée, fils ou époux, père ou frère? Ces sortes d'affections, si honnêtes, si loyales, si hautes, développent dans celles qui en sont possédées comme un sens suraiguisé de l'estime. Et Christine Malglaive le devinait à travers toutes mes réserves et mes surveillances de moi-même. Je n'estimais pas son frère comme elle l'aurait voulu. J'emportai les épreuves d'imprimerie chez M. Zaffoni, et je dis qu'il m'avait absolument interdit d'habiter ailleurs que dans sa maison. Je commençai à regarder ses placards avec l'idée que j'allais lire une de ses amplifications où excellent nos politiciens. Quelques faits semés de ci de là, une phraséologie positiviste qui joue la théorie scientifique, des affirmations impudentes sur des problèmes insolubles, tels sont les ingrédients habituels à ces sortes de mixtures. Cependant, je savais que Malglaive avait eu communication des mémoires de mon hôte. Du moins, le document sera exact, en concluai-je. Et voilà que, dès les premières pages de cette étude intitulée « Une leçon de sagesse parlementaire », les Anglais aux îles Ioniennes, je m'étonnais de la simplicité vigoureuse de la facture. Il y avait dans la narration cette fermeté concentrée et dans les réflexions jetées au passage cette netteté forte qui révèle une intelligence saturée de son sujet. Le tableau de l'Europe au lendemain de la chute de Napoléon était tracé de ce style à la Thucydide où chaque épithète pense. Un portrait, surtout celui du Corfiote Capo d'Istria au congrès de Vienne, me fit m'écrier « Mais il n'est pas possible que ce soit de lui. » Je m'arrêtai de ma lecture. Un soupçon affreux venait de me saisir. Malglaive aurait-il par hasard pillé cette page dans les mémoires de M. Zaffoni sans même le nommer? Je me souviens. Cette idée me souleva d'un tel sursaut que je la repoussai aussitôt comme trop abominable. Au regard d'un écrivain de métier, le plagiat paraît toujours bien coupable. C'est un crime contre l'honneur professionnel, comme la désertion pour un soldat, comme un faux en écriture pour un commerçant. Dans la circonstance particulière, un tel plagiat était pire encore. Durant les quelques semaines de son séjour à Corfou, Malglaive avait pu mesurer l'immense disproportion que le sort avait infligée à M. Zaffoni entre son rôle et sa valeur. Il n'ignorait pas que cet homme supérieur n'avait jamais eu, durant les 80 années de sa longue vie, une heure où livrer sa bataille, son heure. Il savait que ce travail sur Corfou était la toute modeste, la touchante revendication dernière de ce grand esprit contre les iniquités de la renommée. Était-il admissible qu'il eût voulu frustrer le vieillard d'une portion de son succès posthume? si faible fut-elle et si aléatoire que fût ce succès lui-même, si Malglaive avait été capable d'une pareille indélicatesse, que croire de lui, dans ce passé déjà suspect, où sa seule garantie d'innocence était son honneur intime, ce besoin de se respecter, dernier et irréductible instinct qui nous interdit de nous abaisser au-delà d'un certain point? Vraiment, s'il avait copié M. Zaffoni sans le citer, dans les conditions où cet acte de félonie s'était produit, le point était dépassé. Il y avait un moyen trop simple de savoir la vérité. J'étais si troublé que je l'employai du coup, sans me demander s'il était ou non contraire à mon engagement envers Mlle Malglaive, à cette promesse du secret qu'à vrai dire, la sainte fille m'avait demandé à l'égard de son frère seulement. Mais je crois bien que même une promesse plus générale ne m'aurait pas empêché de faire ce que je fis, comme je le fis, et qu'on devine. Je saisis les épreuves ouvertes, telles qu'elles étaient sur ma table, et j'allai frapper à la porte de la librairie. M. Zaffoni dénommait toujours sa bibliothèque ainsi, par italianisme ou anglomanie qu'il saura. Je le trouvai debout, accoudé au pupitre surélevé qui lui servait de bureau pour composer. Il n'écrivait jamais assis. Les feuillets méticuleusement coupés et que sa fine et nette écriture couvrait de lignes sans cesse raturées témoignaient de son travail assidu de ces dernières heures, le ciel un peu voilé nous ayant empêché de sortir. « Vous me voyez occupé, me dit-il, à ces infinissables mémoires. Je devrais bien les finir pourtant, car à mon âge, chaque jour, chaque heure presque est un répit. Je viens encore d'apprendre la mort subite d'un de mes contemporains, le docteur Andonis Zakharopoulos. Je peux vraiment m'appliquer les mots du philosophe « singulas dies, singulas vitas puta ». Mais vous m'apportez à lire quelque chose de vous? Ce sera un bien meilleur emploi de mon temps? Non, lui dis-je, ce travail n'est pas de moi, et c'est justement de vos mémoires que je voulais vous parler. Ces épreuves sont celles d'une grande étude sur le Parlement des îles Ioniennes que Malglaive a publiée. « Ah, le cachotier !» interrompit mon hôte. « Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé ?»« J'ai bien peur que la raison de ce silence ne soit guère à son honneur, » répondis-je. « Vous lui avez communiqué votre manuscrit et j'ai cru reconnaître, au style, aux idées, à je ne sais quoi qui ne lui ressemble pas, qu'il vous avait emprunté bien des phrases, peut-être des pages, sans mentionner la source. Ainsi ce portrait de Capodistria. Écoutez. » À mesure que je lisais à haute voix le morceau dont l'originalité m'avait le plus frappé, je pouvais voir la sereine physionomie du vieillard s'altérer jusqu'à la douleur. Ses yeux, d'ordinaire si lumineux de courage et de calme, se voilèrent d'une humidité qui se résolut en deux grosses larmes, les deux seules que j'eusse jamais vu rouler sur ses joues ridées. Ce signe inattendu de son émotion profonde me fit m'arrêter par crainte de le peiner trop profondément. J'allais comprendre quelle magnanime pitié lui arrachait cette marque de faiblesse qu'il n'eût pas donnée s'il ne se fût agi que de lui-même. « Donnez-moi ces épreuves, » dit-il, et prenant les placards un par un, commença à les parcourir avec ce regard rapide d'un auteur qui relie sa propre prose autant dans sa pensée que sur le papier. Je l'entendais qui, de temps à autre, s'écriait « C'est exact, c'est exact. » Enfin, il reposa les feuillets sur le pupitre, en les repoussant d'un geste qui dissimulait à peine son dégoût, puis fermement, il a tout pris. « Vous m'entendez tout. Il n'y a pas 100 lignes de lui dans ces 50 pages. Le malheureux. »« Le malheureux ? Dites le coquin, » m'écriai-je. « Une pareille infamie le juge. Et s'il a été capable de cette turpitude, doutez-vous maintenant qu'il ait fait ce dont on l'a accusé ? Cette fois du moins, il ne consommera pas sa mauvaise action. Je le confondrai, s'il ne retire pas cet article, pièce en main. Vous me donnez ce que vous avez écrit de vos mémoires, et nous les imprimerons dans les 15 jours à la première page du plus grand journal parisien. Ah, le scélérat, le scélérat ! Vous oubliez Mademoiselle Malglaive ? Interrompit M. Zaffoni d'une voix grave. Et d'abord, que vous lui aviez promis le secret ? Vous n'aviez donc pas le droit de me montrer ces épreuves et je n'avais pas le droit de les lire. Il avait reconquis son admirable sérénité devant mon emportement et avec cette douceur irrésistible qui émanait de sa personne quand il voulait convaincre. « Soyez persuadé, continua-t-il, que si elle soupçonne jamais cette indélicatesse de son frère, elle se tiendra le raisonnement que vous venez de vous tenir, que je ne peux m'empêcher de me tenir à moi-même. Elle croira Malglaive coupable dans l'affaire du chèque, parce qu'elle l'aura constaté coupable dans cette affaire-ci. Eh bien, mon cher enfant !» Et de grave, son accent se fit solennel. Mes mémoires sont à moi, n'est-ce pas? Je vous ordonne. Je vous ordonne, vous entendez bien? Je vous ordonne de vous taire. Qu'est-ce que je voulais? Reprit-il. Que nos efforts à nous, patriotes de Corfou, reçussent un témoignage public, ils le recevront. Que certaines vérités sur le régime représentatif fussent dites, elles seront dites. Quant à moi, je n'ai qu'à mettre dans mon testament que ces mémoires soient publiées 60 ans seulement après ma mort, et justice me sera rendue alors. Mais pour une vanité comme celle-là, déchirer le cœur de cette créature, ce cœur qui se brise déjà de ce qu'on doute de son frère, non, je ne m'estimerai pas d'avoir agi ainsi. Et vous allez laisser ce drôle se refaire une réputation avec ses articles? Répondis-je avec la même violence. Vous supporterez de voir sous son nom, dans les journaux de Paris, des extraits de votre propre ouvrage? Il le faut, repartit le vieillard, et je vous défie, moi qui vous connais, de me donner tort. Quand vous aurez revu la pauvre fille, je vous défie de ne pas faire comme moi. Et puis, rappelez-vous toujours que nous devons laisser le soin de nos vengeances à la vie. Elle ne s'en charge que trop.